Unité 4, entraînement au DELF A1. Production orale. Les clés de l'entretien dirigé. Exemple. Bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Dimitri. Ça s'écrit comment? D-I-M-I-T-R-I. Merci. Alors, parlez-moi un peu de vos journées habituelles. Bien, le matin, je me lève à 7 heures, je prends mon petit déjeuner, je pars à l'université. Ah, vous êtes étudiant. Vous étudiez quoi? Pardon? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que vous étudiez? Je suis en droit. Et vous habitez la cité universitaire? Non. J'habite dans un appartement avec des amis. Bon, ben, je vous remercie. Nous allons passer à la deuxième partie de l'examen.